Chapitre 13e, la queue de cheval. Sur la route de l'Estac, je reçois un coup de fil du central. Commissaire, il y a un certain Bernabeu qui cherche à vous joindre depuis ce matin. Il dit que c'est important. Qu'est-ce que peut bien me vouloir le tonton? Oh, tonton Séraphin, qu'est-ce qui t'arrive? Figure-toi qu'hier, il y a deux mecs qui sont venus à l'atelier. Des mecs bien, tu vois, costards et tout. Ils m'ont demandé si l'estafette était bien à moi. Ils m'ont sorti des cartes de police et il y en a un qui m'a dit « Alors, vous pouvez nous expliquer ce que votre camionnette faisait sur les lieux d'un cambriolage ?»« Quel cambriolage ?» j'ai demandé. Et là, ils m'ont dit qu'à Carry, il y avait eu hier un cambriolage et que la camionnette avait été repérée juste devant la villa du Casse. Alors là, j'ai dit « C'est pas possible, parce que ma camionnette, je l'ai prêtée à mon filleul et justement, il est dans la police. Alors, vous voyez, le commissaire Volpi, vous connaissez ?»« Ah oui, qu'ils ont fait, bien sûr. » « Oh, alors il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. »« Oh putain, tonton, si tu savais. »« Mais quoi? Qu'est-ce que tu as fait après, avec cette estafette? Ils n'étaient pas au courant, tes collègues ?»« Ce n'étaient pas mes collègues, Séraphin. »« Mais ça ne fait rien. T'inquiète pas, je t'expliquerai. Allez, ciao. » »« Eh bien voilà, tout s'explique. Ah, ils sont forts, il n'y a pas à dire. »« Et moi qui croyais que j'étais passé au travers comme un as de la filoche. »« Tu parles. Ils m'ont bien baisé, oui. » Mais ils ont vite fait pour tout débarrasser. Et ce matin, effectivement, ils ont bien dû se marrer en imaginant nos tronches. Mais n'empêche, il manquait un petit quelque chose à leur plan trop bien léché. Si les indices parlent suffisamment, leur déménagement n'aura servi à rien. Sauf que maintenant, pour leur mettre la main dessus, ça va être coton. En arrivant au port de l'Estac, nous cherchons des places devant les bars. Un type nous dépasse en moto, chevaux vent, et va vomir sa bécane entre deux bagnoles. Le loup coule, chemise hawaïenne, queue de cheval et sabots de cuir. Et soudain, je me mets à hurler à ce banc. « Putain, sors ton flingue et laisse la bagnole. On va serrer un mec. Bien, laisse tout. » Et ce disant, je défouraille et m'éjecte de la voiture en direction du motard. En une seconde, le voilà le ventre sur le capot d'une voiture à gueuler comme un perdu, le canon de mon flingue sur la tempe. Il n'est pas bien costaud et ayant remisé mon pétard, j'ai vite fait de lui mettre les bras derrière le dos pendant que ce banc lui passe les bracelets. « Mais vous êtes complètement frappé !» hurle-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Déjà, un attroupement menaçant s'est formé autour de la voiture. On entendait « Laissez-le fumier !» et autres douceurs. Mais mes autres hommes ont suivi l'action et ont tout fait de disperser les malfaisants. « Allez, direction le central !» dis-je, en amenant le gars à ma bagnole, aidé de ce banc. « Oh, et la bouffe alors ?» clame Gargan. De nouveau dans la voiture, ce banc me lance un regard en coin. « Vous m'expliquez, patron ?»« Ouais, promis, mais pas en présence du chevelu. » Arrivé au SRPJ, nous laissons le gond sous la surveillance de gardiens et je réunis mon équipe. Je leur explique mon flash. À l'hôpital, une infirmière avait vu une femme entrer dans la chambre de Zézé dans la soirée. Mais elle n'a pas vu son visage caché par un mouchoir. Et si c'était un homme qui était venu voir le jeune ? La chemise longue, la queue de cheval, les sabots, tout concorde. Si on le bouscule un peu, il est possible que le gars se mette à table. « Je connais bien là vos méthodes et votre façon de fonctionner, » me lance ce banc. « Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de fonctionner? Elle ne te plaît pas, c'est ça ?»« Je dis rien, patron. Calmos. »« Tu vas voir, ça risque d'être plus rapide que vous ne le croyez tous. » Je demande qu'on m'amène le chevelu et qu'on me laisse seul avec lui. Après l'avoir attaché au radiateur, bien sûr, il me lance un regard plein de haine. Je crois que si je m'approche de trop près, il va me cracher à la gueule ou me mordre. « Comment tu t'appelles ?» je demande. Pas de réponse. Nonchalamment, je renverse le contenu de son sac sur mon bureau. Un portefeuille, une trousse d'écolier, des clopes, quelques préservatifs, une écharpe en soie, un paquet de Kleenex. J'ouvre le portefeuille. « Alors tu t'appelles Sauveur Bergam. » « Voilà. Et tu crèches boulevard de la Falaise à l'Estac. Enfin, peut-être. » « Voyons maintenant ce qu'il y a dans cette trousse. » Là, le gars relève légèrement la tête. « Ouh, mais c'est intéressant, ça. Rien que là, déjà, tu vois, t'en as pour quelque temps. » La trousse contient effectivement un nécessaire complet pour piquer quelqu'un ou soi-même. Il y a même l'alcool pour désinfecter. « Bon, fais-je, tout ça va partir au labo. Et maintenant, si tu me parlais de ton copain Zéphirin en t'a quelque chose. Tu sais, ton copain que t'as été voir à l'hosto. » Visite qui lui a été fatale, le pauvre petit. Sauveur ne dit toujours rien. Allez, fais un effort. Bon. Eh bien, puisque tu ne veux rien dire, je vais devoir te relâcher après tout. » Un rayon froid se lit dans les yeux du Gus. Il s'agite soudainement sur sa chaise. « Vous pouvez pas faire ça, » dit-il dans un souffle. « Et pourquoi je le ferai pas ? Tu devrais être content, non ? Sympa, je te relâche, et encore monsieur rechigne. Allez, on va te reconduire à l'estable pour que tu récupères ta moto. Tu vois si on est cool. »« Non !» hurle le gars. « Je veux pas !»« Mais t'es cinglé, toi !» Tout à l'heure, tu nous dis de tout parce qu'on te coffre et maintenant tu veux plus partir. Bon, écoute, je veux bien t'offrir l'hospitalité, mais il faut que tu sois plus bavard, donnant, donnant. Non, mais attendez, je veux des garanties, demande-t-il. Des garanties. Tu ouvres ton large bec et tu réponds à mes questions, après on verra. Allez, dis-moi d'abord si c'est bien toi, qui a refroidi Zézé. Ouais, avec ça, fait-il d'un mouvement de tête en montrant la trousse. Bien, tu vois quand tu veux. « Maintenant, tu vas me dire qui te fournit la gamme. C'est trop risqué. Je préfère passer toute ma vie en tôle. »« Mais non, mon grand. Tu vas aller respirer l'air frais dehors. Pas pour longtemps, c'est vrai. Mais t'as bien compris le deal, je crois. Fais de chier. »« Écoute, là, je vais parler sérieusement. Tu sais aussi bien que moi qu'une fois dehors, tu ne dureras pas 24 heures. Que tu parles ou non. Si tu parles, je te fais inculper comme dealer sur la voie publique et basta. » Mais quelle que soit ta peine, on te gardera suffisamment de temps pour que tous ceux qui pourraient te descendre soient sous les barreaux. C'est réglo, non ? Réfléchis. J'appelle l'un de mes adjoints pour prendre ta déposition. D'accord. Au fait, t'es un avocat ? Oui, mais ne l'appelez pas parce qu'il est à la solde des autres. Ils sont capables de me faire assassiner en prison. Bien, monsieur. T'inquiète, il en sera fait selon ta volonté. De toute façon, ton lieu de détention sera tenu secret. Tant pis pour ta famille. On ne peut pas vouloir le beurre quand on n'a pas de lait. Zito se pointe dans mon bureau. Je l'amène, patron. Mais non, Zito, monsieur va parler. Tu vas prendre sa déposition. Alors là, patron, vous êtes fort. Oui, hostie, ce sont les autres qui sont forts, malheureusement. Et Sauveur se met à table. C'est bien lui qui a liquidé Zézé sur l'ordre de Nono dont il ne connaît pas le patronyme. C'est lui aussi qui a commandé à Zézé de saccager mon appartement sur ordre de Mario Costanza. Tiens donc. La drogue lui est fournie par un nommé Rachid Zawiya, gratuitement. Il a pour mission de recruter des clients et de tenir les jeunes des quartiers pour en faire une main-d'œuvre docile et gratuite. Ils sont payés en cam, mais on ne laisse jamais en manquer. Petit peu par petit peu, on les empoisonne et on en fait ce qu'on veut. Je le confronte d'abord aux photos que j'ai prises à Carrie. Il reconnaît Nono ainsi que le Rachid. C'est bon pour nous tout ça. La photo des pêcheurs ne lui dit rien, il ne les a jamais vus. Il reconnaît évidemment Mario et remarque à son sujet « Celui-là, c'est un malin. » Mis en présence de deux Souza, pas de réaction de part et d'autre. Ces deux-là ne se sont jamais vus, c'est clair. Sauveur, bien que dealer, assassin j'en passe, n'est malgré tout qu'un second couteau, que dis-je, un petit opinel. Et je me demande si tout compte fait, il ne vaudrait pas mieux qu'on le relâche pour de bon. Ça éviterait des frais de justice, de centrale et de pompes funèbres. Mais bon, je n'ai qu'une parole. Est-ce que tu sais d'où vient la drogue ? Demande Zito. Ben, elle arrive avec le palangrier, c'était quelqu'un qui l'amenait, c'est tout ce que je sais. Oui, et ce quelqu'un, c'est ce gars-là, dis-je en désignant des Souza. Avant qu'on te la donne, la cam, elle allait bien quelque part, d'abord. Ah ouais, ben il l'amenait à Carré, je sais. Peut-être on a la villa qui est sur les photos. C'est ça, avance, t'as compris. Et qu'est-ce qu'ils y faisaient dans cette villa ? Je demande. Ben, ils coupaient la coque, tiens. Même qu'une fois, ils ont eu la main un peu lourde et j'ai perdu 3 clients dans la même soirée. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dû y foutre dedans. On progresse lentement, mais nous ne sommes pas parvenus bien loin encore. Ce ne sont que des confirmations des hypothèses, mais pas d'éléments nouveaux. Mais ce bateau, nom de Dieu, il fallait bien la chercher quelque part, cette cam. Et selon la méthode maison, je commence à le secouer, manquant le faire tomber de sa chaise. Ça commence à m'énerver. On ne va pas assez vite, car pendant ce temps, les pourris prennent des mesures de sauvegarde. Et je sais pas, moi, où ils allaient la chercher, s'insurge Sauveur. Ils allaient en mer et ils revenaient avec la cam. C'est ce que Rachid m'a dit. Et tout d'un coup, l'éclair, j'appelle mes hommes à voix forte, j'exulte. Oh, les mecs! Les plongeurs morts, le Santa Cruz, mon copain Rinaldi, voilà le lien entre tout ça. C'était la cam qui allait chercher la belle caille, et moi je sais où le palangrier devait aller la chercher, pas bien loin, à côté de l'endroit où j'avais localisé le Santa Cruz. « Mais y a rien !» où plongeaient les gars de Sanchez. « Ce n'est pas une île !» remarque Gargant. « Non, non, non, cherche pas à m'embrouiller. Il y a un truc, comme dit l'autre, et je suis sûr que c'est là. Et c'est parce que les plongeurs l'avaient découvert qu'ils sont morts. Punaise !» Tout d'un coup, tout devient lumineux. Mes neurones travaillent à 100 à l'heure et mon activité cérébrale doit être communicative. « Alors, c'est sous l'eau que ça se passe ?» déclare Subran. « C'est forcé. Tu l'as dit, mon fils. Allez, on a assez perdu de temps, il faut sortir le grand jeu. » S'ensuit une rafale d'ordre que mes hommes écoutent religieusement. « Il faut informer les stupes de nos nouvelles découvertes. Ils ont peut-être d'autres infos de leur côté. » Prévient la douane, qu'elle envoie sur le site une vedette garde-côte avec un sonar et des plongeurs. Diffuser le signalement des tronches dont j'ai tiré le portrait. Rechercher la belle caille à l'aide des photos que j'ai prises et non pas l'aide de son immatriculation qui a dû être falsifiée depuis hier. Je sens que j'oublie quelque chose, mais je n'arrive pas à dire quoi. Tant pis, on verra après. Allez, bouleguez, je vais rendre compte au patron. En attendant, vous me relâchez le papé. À son âge, il n'ira pas bien loin. Je veux un point ce soir à 9h. Ah, là, ça leur plaît moins à mes gars de passer la soirée au central. Mais il faut aller le plus vite possible. Nous n'avons que trop traîné. Le grand patron me reçoit dans son bureau entre deux coups de téléphone. Eh bien, Volpi, la chasse au Maccabée a été fructueuse, d'après ce que je sais. Décidément, ça ne porte pas bonheur quand vous êtes dans les parages, me dit-il sur un ton aigre-doux qui a le don de m'énerver. Comment faut-il prendre votre remarque, monsieur le directeur ? En bien, en bien. Vous n'avez pas changé, Volpi. Vous partez toujours au quart de tour. Je constate simplement que j'ai bien fait de vous confier l'enquête et que la partie adverse ne plaisante pas. Qu'importe qu'il y ait des morts, tant que ce ne sont pas les nôtres. Après cette mise au point, je lui balance mon laïus. Le patron confirme les mesures que j'ai prises et en le quittant, j'ai l'impression qu'il est content, mais je n'en suis pas sûr. Avec ce genre de gars, tu ne sais jamais s'il se fout de ta gueule ou s'il est réellement satisfait. Comme beaucoup, pour asseoir son pouvoir, il t'infantilise plus ou moins. Mais bon, il faut faire avec et se montrer plus finaux. Sinon, on va encore dire que je suis parano. À 21h, tous les gars sont là autour de mon bureau. Seban s'est assis sur un classeur, Zito sur le rebord de la fenêtre, marchait au bord de mon bureau et on a laissé une chaise à Gargant trop lourd pour s'asseoir n'importe où sans risque de casse. Chacun s'est chargé d'une des tâches que j'avais définie et toutes les personnes ou administrations ont été touchées. Demain, Pardo, mon collègue des stupes, vient nous rendre visite pour faire le point. Je les remercie chaleureusement et les libère car je les vois bien étouffer des bâillements et allonger leurs tronches. Demain sera un autre jour, comme disait Kipling. Eh oui, j'ai des lettres tout de même.